Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. En présentation spéciale, voici Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons-la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur de CNX, l'émission qui est dans cette case horaire d'habitude, mais aussi le poste d'écoute. Et palmarès, c'est fou. Et ben, quand j'anime Écoutons-la donc la chanson, qui est cette émission tout à fait chillax et zen, vous le remarquez, ben, je pense à la musique qui me passe par la tête. Donc on va, aujourd'hui, on va entendre la musique de palmarès, on va entendre des vieilles affaires, des choses récentes, des nouveautés, tout ça pour vous aujourd'hui pendant deux heures. Dans le premier bloc, on va entendre Winter Gloves et Parler, mais on commence avec Still Fun French Version. Voici Cut Off Your Hands. Assez fou, 89.1 FM. Ça fait du lait depuis que c'est l'instant. Pas déjà facile. Winter Gloves est une pièce du palmarès anglophone de Sifu, c'est Invisible de leur album About a Girl. Avant ça, c'était une nouvelle entrée du palmarès anglo, Parlor avec Pen to the Paper. On a débuté plutôt avec Still Fun, French version de la formation Cut Off Your Hands. Vous êtes à Écoutons la chanson. C'est l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, Mathieu Plante, animateur de CNX, le poste d'écoute et les palmarès Sifu. D'ailleurs, CNX sera de retour la semaine prochaine parce que c'est ce qu'il y a dans cette case horaire habituellement. On continue tout de suite. Pourquoi ne pas continuer en musique? Parce que c'est ce qu'on aime faire. Et là, après un bloc de palmarès, on va aller dans des vieilles pièces de palmarès. Des choses qui ne sont plus là, mais qui l'ont déjà été. Il va y avoir les Yeah Yeah Yeahs et The Divine Comedy. Mais on commence avec Beck. Voici Strange Apparition. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de C'est Fou. 89.fm. In my Mercedes Benz, for the riches and the ruins. Now we all know how that story. C'est le retour de Devon Comedy et les Yeah Yeah Yeahs. Écoutons-la donc, la chanson. If there's a war, I'll sleep with you before you get killed. That's what maidens do in box, and I'm a maiden. Now you do carry on about your virginity. Virginity's nothing. You can lose it riding a bicycle. I never knew that. I must be careful. I'm going to get a bicycle in London. Well, we've been going together since the 8th of November. Oh, it seems like forever. I very clearly remember Écoutons-la donc, la chanson, c'est l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante, animateur / méga vedette de C'est fou. Pas obligé de rire quand même. Quel bon bloc. Gold Lion des Yeah Yeah Yes avec leur album Show Your Bones. Avant ça, c'était Victory for the Comic Muse de l'album. Ça, c'est l'album de The Divine Comedy. On a entendu la pièce To Die a Virgin. Et on a débuté le bloc avec Beck et Strange Apparition de son album The Information. C'était des vétérans des palmarès. Maintenant, on passe du côté francophone ici à Écoutons-la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Mathieu Plante, CNX, poste d'écoute, palmarès, etc., etc., etc. Allez voir le www.unechance.com pour les pièces qui ont joué aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion de mes émissions. www.unechance.com. Dans ce bloc, il va y avoir Major, Feu Major Bidet, avec leur nouvelle pièce Ping Pong, qui n'a pas encore joué sur les ondes de C'est fou. Avant ça, il y a Jésus Bench 400 livres avec Danser, Madame Danser, mais tout de suite, voici l'indice. C'est une très, très, très, très bonne pièce de leur album Le Jour Après Noël. C'est ton cœur aujourd'hui. Écoutons donc la chanson. Quelque chose à faire aujourd'hui. enfin quelque chose à faire aujourd'hui. Major et Ping Pong avec Tournant dans la chanson. J'ai dit que c'était la première fois que ça jouait assez fou. Je pense que K1 l'avait déjà joué, je me rappelle l'avoir déjà entendu. Et je vous rappelle aussi que dans la chronologie des nombreuses rediffusions de C'est fou, Écoutons la don a lieu avant le poste d'écoute. C'est pour ça que je dis que c'est la première fois. Bref, c'est très très bon, j'adore ça. Major, les anciens Major Bidet, comme on les appelait avant. On parle de Serge André, Amine à la voix, guitare-clavier, Alex Gauthier, basse et voix, Robert Tétrault, guitare-clavier-voix, Renaud Bastien, batterie et voix. Ils vont être en spectacle le 4 avril prochain à 20h à Sorel au pub au Callahan. Et ensuite le 21 avril au Divan Orange de Montréal. Allez voir myspace.com/major2008. Voilà pour ça. Avant Major, ce qu'on a entendu, c'était Jésus Bench 400 livres et Danser Madame Danser de leur maxi Grosse Ville. On a débuté avec l'indice et Ton cœur aujourd'hui de leur album Le jour après Noël. Vous êtes donc, comme je le disais, écoutons maintenant la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. À moi, Mathieu Plante, animateur de CNX, le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou. CNX qui sera de retour la semaine prochaine, émission la plus geek de la radio. On aime ça, parler de choses geek ici, assez fou. Mais avant ça, on va terminer la première heure de l'émission avec un beau petit bloc de palmarès francophone. On va entendre Mimi Van Der Glow tantôt avec Quatre pattes, mais pour l'instant, voici une pièce de l'album Québec émergent 2008-2009 sur le palmarès depuis la semaine dernière. Voici Le Couleur et 2 et 2. Ah, c'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou dans vos oreilles. Tu auras tout de moi. salle des sous-vêtements d'antenne. Comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Face à face, tout nu dans le salon. À quatre pattes, baby, on ouvre la saison. Et on va prendre une fois et deux fois. Oh yeah. Trois fois et quatre fois. Et c'est un peu encore pour le demander du rapport, baby. En ce moment d'inauguration, on fait dans toutes les pièces la maison. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la don la chanson avec moi, Mathieu Plante, l'animateur de CNX du poste d'écoute et des palmarès. C'est fou, cette semaine, je remplace CNX par Écoutons la don la chanson parce que j'ai envie d'entendre de la musique. C'est ce que je fais pendant deux heures aujourd'hui. On va commencer la deuxième heure avec la musique d'Antoine Graton. Il est sur le palmarès et voici 500 000 milles là, c'est fou. Jusqu'à mon cœur. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cifou.ca. Encore une fois, j'en ai trop dit. Relief Map, c'est Graveyard Smash, la pièce titre de leur plus récent album. Avant ça, c'était Malajube avec la monogamie de leur précédent album, Le Compte Complet. Je vous rappelle que Le Labyrinthe est en magasin maintenant, il est très très bon. Et on a débuté avec Antoine Graton et la pièce 500 000 milles de son album Le Problème avec Antoine. C'est une pièce qui vient de rentrer il y a quelques semaines dans le palmarès de C'est Fou. Notre prochain bloc est un bloc de palmarès. Oui, c'est vrai, complètement palmarès, du début jusqu'à la fin. Il va y avoir Smothered in Hugs et In Flight Safety, mais on débute avec The Bird and the Bee. Voici Diamond Dave. Écoutons-la donc, la chanson, sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. When I was a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked in me, I'll always love you. Bonjour, écoutons-la dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Je m'appelle Mathieu Plante, j'anime aussi CNX, le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou, comme si j'avais besoin de vous le rappeler. Tout de suite, voici une autre pièce du palmarès anglophone. C'est Big White Elephant de In Flight Safety. But I know there's something Smothered in Hogs et Ghost Believer de leur album The Healing Power of Injury. Ici, à écouter, on adore la chanson. Avant ça, c'était In Flight Safety avec Big White Elephant du CD We Are an Empire, My Dear. On a débuté avec The Bird and the Bee et Diamond Dave de l'album Ray Guns Are Not Just the Future. Voilà pour ce bloc de palmarès anglophone. On va aller du côté francophone, mais pas de palmarès cette fois-ci, des vétérans des palmarès. Donc, ils ne sont pas là en ce moment, mais ils viennent de quitter. On va entendre Ariel et Mille Monarques, mais tout de suite, voici avec Podcast qui est dans la nature. Écoutons-la donc, la chanson. Où vas-tu, ma tête? Je vais dans la nature. Qu'est-ce que tu protèges? Mes poings ne sont pas mûrs. Le soleil s'écrase, le temps passe et tu ne reviens pas. Où dors-tu ma tête jusqu'à perte de vue? Pour qu'un matin passer dessus. Le soir quand il vente, le bois trempe, triste feu de joie. Tu sais que l'ours n'est pas vraiment méchant. Il a peur. Qu'est-ce qui t'use ma tête? Je calme ma colère. Qu'est-ce qui t'en empêche? Porteur d'eau sans chaudière. L'avenir tire la langue, brûler il me semble, mais vouloir être là quand même. Tu sais que l'ours n'est pas vraiment méchant, il a peur. Qu'il n'y a personne. De tes propres pièges, je ne pense pas qu'ils fonctionnent. Mon arme secrète, mais la majorette qui s'exclame en cœur. caresse et je lui cède. Avant qu'une autre lui succède. À 100 ans comme au premier sang. La même quête d'une cible m'obsède. Comme une balle perdue dans le temps. Trois pièces qui ont quitté les palmarès de Cifou très récemment. Ça, c'était Ariel avec Chargé. Avant ça, il y a eu Mille Monarques avec L'Immense Larme. On a débuté avec Avec Podcast. Oui, la formation Avec Podcast et leur pièce Dans la nature. Il nous reste quelques minutes à peine à l'émission, donc on va se faufiler une petite pièce qui est un coup de cœur des dernières semaines. On a reçu ça très récemment. C'est la formation Fred et leur album Go God Go. Tout de suite, voici Running. Écoutons-la donc, la chanson. A hurricane system. If I was running, you should know that I'd stood my ground 1,000 times. If I seemed bothered, well, I think you would feel similar. If they painted your whole house red with your blood. Fred et la pièce Running de leur album Go God Go. C'est un coup de cœur des dernières semaines ici. Assez fou pour moi. En tout cas, j'ai adoré ça, Fred. C'est super. Nous, c'est déjà la fin. Écoutons dans la chanson. De se quitter. Comment ça manquait de temps, là? Oui, oui. Cette émission, donc, remplaçait CNX, qui est dans cette case horaire d'habitude. CNX, qui est l'émission la plus geek de la radio. Elle sera de retour jeudi prochain à 11h. On rappelle, Élodie à 10h. Sinon, je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble les vendredis matin à 10h. Et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis à 17h. De la part de toute l'équipe fictive, dès que tourne dans la chanson, merci d'avoir été là et on se quitte sur une pièce de plagiat, Beautiful Explosion. Bonne semaine, bye bye. Stay away from the subways. Don't stand close to suspicious cars.